Tirer aujourd'hui un grand trait. Faire une grande séparation entre deux sortes de réalités qui existent dans l'homme. Pour vous permettre de comprendre jusqu'à quel point les hommes sur la Terre, l'homme d'aujourd'hui, est loin de ce que l'on peut appeler sa conscience, c'est-à-dire son intelligence. Malgré la preuve du contraire, malgré l'impression qu'il a d'être dans cette intelligence, malgré l'impression qu'il peut avoir d'être heureux, ou malgré l'impression qu'il peut avoir de reconnaître que tout va bien dans la vie. J'en ai brossé un peu le tableau à la rencontre café dernièrement, mais je veux reprendre ce point de vue pour le grand public, parce que je considère que c'est un point de vue extrêmement important. Alors, j'appelle l'intelligence de l'homme, l'intelligence naturelle de l'homme, l'intelligence personnelle de l'homme, ce qui est constitué par ses pensées, ce qui est motivé par ses émotions, autrement dit, la nature humaine inférieure, la nature humaine inconsciente, le petit moi. J'appelle tout ceci l'esprit de l'intelligence. Et ce qui est au-delà de ceci, ce qui est au-delà du personnel, ce qui est au-delà du petit moi, ce qui est transcendantal à l'homme, ce qui vient à l'homme, mais ne part pas de l'homme, j'appelle ceci l'intelligence de l'esprit. Et il y a une différence tellement grande entre l'esprit de l'intelligence et l'intelligence de l'esprit, tellement grande, tellement vaste, tellement extraordinaire que l'homme qui est dans l'esprit de l'intelligence n'en a aucune idée. L'idée que se fait l'homme de lui-même, l'idée qu'il se fait de sa réalité psychologique, l'idée qu'elle se fait de ses pensées, de la valeur de ses pensées, de l'intelligence de ses pensées, du manque d'intelligence de ses pensées, est totalement inconcevable pour un homme qui est dans l'intelligence de l'esprit. Je vais prendre un cas ici en main. Il y a une petite fille dans la salle. Il y a une petite fille dans la salle qui est bombardée depuis des années de temps par des formes pensées qu'elle a pu identifier après le séminaire comme venant de l'astral et qu'elle a réussi à absorber, qu'elle a réussi à supporter, avec lesquels elle a été capable de mener un certain combat, ce qui lui a amené la possibilité de développer une plus grande volonté et de s'auto-déterminer dans son comportement humain. Et après tous ces mois où elle a fait un progrès énorme, un progrès qui aurait été peut-être impossible si elle n'avait pas prise conscience d'elle-même ou de tous ces mécanismes qui font partie de l'esprit de l'intelligence. Que aujourd'hui, même avec l'esprit de l'intelligence beaucoup plus ouvert sur la nature de l'intelligence, elle est ou elle a été incapable d'être sûre d'un point de vue que je lui ai fait connaître cet après-midi, mais elle a été au moins capable de percevoir la possibilité qu'il en soit ainsi. Et cette petite fille-là, cette femme-là, cette jeune femme-là, s'est aperçue ou s'apercevra au fur et à mesure que l'esprit de l'intelligence deviendra de plus en plus de l'intelligence de l'esprit. Elle s'apercevra jusqu'à quel point l'intelligence de l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence dans l'homme, doit se camoufler derrière des formes qu'on appelle l'esprit de l'intelligence pour créer dans l'homme des tensions quelconques, pour l'amener éventuellement à réunir en lui à la fois de la volonté et de l'intelligence. Et là, je parle de Manon. Vous savez, on a accumulé au cours de la tradition tellement de concepts de toutes les sortes. L'astral, le plan astral, On a été tellement remplis d'idées qu'aujourd'hui, les idées qui peuvent avoir servi sur le plan philosophique de l'homme, à un certain moment donné, peuvent devenir des barrières à la pénétration en soi de l'intelligence de l'esprit. Parce que nous nous attachons à des réalités qui sont créativement, volontairement établies en soi pour nous amener, nous les hommes, à un niveau de vibration supérieur qui coïncide avec l'intelligence de l'esprit. Il y a un phénomène dans l'homme, un phénomène psychologique dans l'homme qu'on peut appeler ou qu'on peut retracer comme étant un aspect du mal ou un aspect de ce qui est négatif ou un aspect de ce qui est corrosif. Un aspect de ce qui cherche à créer de la confusion. Et nous avons tellement été endoctrinés par les théories, soit théologiques ou les théories ésotériques du bien et du mal, de la division, que nous avons perdu de vue le fait que tous les hommes possèdent en eux ou sont dans l'intelligence de l'esprit. Mais ils sont dans l'intelligence de l'esprit à un niveau tellement bas, c'est-à-dire que l'intelligence de l'esprit est tellement faible. C'est-à-dire que l'intelligence de l'esprit est tellement voilée par l'esprit de l'intelligence, autrement dit le côté personnel de leur être, que ces hommes-là sont incapables de réaliser que quelle que soit la nature des pensées qui passent dans leur cerveau, il y a toujours un jeu dans leur esprit qui se joue, qui fait partie justement de l'esprit de l'intelligence. Il y a toujours un jeu qui se joue. Et ce jeu cesse lorsque l'homme est suffisamment clarifié dans l'intelligence de son esprit pour réellement voir le jeu et à ce moment-là ne plus en être affecté. Et la disparité qui existe entre l'esprit de l'intelligence et l'intelligence de l'esprit est tellement vaste que c'est justement cette disparité-là qui crée dans l'homme l'impression de son inconscience, l'expression de son inconscience et l'incapacité d'être, sur le plan matériel, un être intégré. Nous avons tendance, les hommes, à croire ce qui est bon et à ne pas croire ce qui nous apparaît comme n'étant pas bon. Et nous n'avons pas suffisamment d'intelligence de l'esprit pour réaliser que ce qui n'apparaît ou que ce qui apparaît comme n'étant pas bon est justement la force, le matériel, voilé à l'intérieur des formes, faisant partie de l'esprit d'intelligence, qui sert à débloquer en nous le canal du mental supérieur et qui nous amène éventuellement au développement de la volonté et à l'accroissement de l'intelligence. Nous avons l'impression que si tout va bien dans notre tête, si on a des pensées positives, si on est spirituel, à ce moment-là, nous sommes dans l'intelligence de l'esprit. Lorsqu'en fait, nous ne sommes qu'à un palier supérieur de l'esprit de l'intelligence. Et il y a des gens qui sont fixés, liés à des paliers inférieurs de l'esprit de l'intelligence, mais pour des raisons qu'ils ne connaissent pas, pour des raisons qui peuvent pour eux être très, très difficiles, qui peuvent apparaître comme étant négatives psychologiquement ou retardataires psychologiquement, lorsqu'en fait ce sont des conditions extrêmement pénible de souffrance servant à effacer un certain karma ou une certaine mémoire en eux pour que un jour ils puissent avoir accès à une autre vibration qui coïnciderait beaucoup plus parfaitement avec l'intelligence de l'esprit. Le point que je veux faire, c'est que il nous est difficile, les hommes, tant que nous sommes dans l'esprit de l'intelligence, de voir jusqu'à quel point le chapeau que nous portons, qui coïncide avec l'esprit de l'intelligence, est manipulé derrière la forme, par l'intelligence de l'esprit, nous permettant, les hommes, d'accroître petit à petit notre taux vibratoire dans le mental supérieur et désaccroître petit à petit la forme qui convient émotivement et mentalement à nos personnalités. Il y a énormément de gens qui ne sont pas capables de ne pas se voir, de ne pas se sentir, de ne pas être neutre à l'esprit de leur intelligence. Et c'est justement cette incapacité à l'homme d'être neutre à l'esprit de son intelligence qui lui empêche, qui lui rend difficile la tâche d'accéder à l'intelligence de son esprit. L'esprit de l'intelligence, c'est une condition humaine. L'intelligence de l'esprit, c'est une imposition cosmique sur l'homme d'une vibration émanant du rayon, émanant de l'ajusteur de pensée, émanant des forces cosmiques dans l'homme, pour l'amener éventuellement à la transition, à la fusion. Il y a des gens qui trouvent long le passage d'un état à un autre. Je suis totalement en accord avec eux. Je suis totalement en accord avec eux parce que le chemin que doit vivre l'homme, que doit connaître l'homme dans l'esprit de son intelligence est extrêmement long parce que il ne va pas en droite ligne. Le chemin de l'intelligence de l'esprit est très court parce que l'intelligence de l'esprit est instantanée. Cette intelligence, elle est pure, elle est parfaite, elle n'est pas troublée d'aucune façon par l'émotivité humaine, de sorte que elle n'engage jamais l'homme à quoi que ce soit. La différence entre l'esprit de l'intelligence et l'intelligence de l'esprit, c'est que dans l'intelligence pure, l'homme n'est jamais engagé à quoi que ce soit. L'homme ne peut jamais s'engager dans quoi que ce soit. L'homme est incapable de s'engager dans quoi que ce soit parce que l'intelligence de l'esprit ou la conscience pure coïncide parfaitement avec l'homme. Tandis que dans l'esprit de l'intelligence, quel que soit cet esprit, qu'il soit spirituel, qu'il soit ésotérique, qu'il soit occulte, qu'il soit ceci ou qu'il soit cela, dans l'esprit de l'intelligence, il n'y a pas de coïncidence entre cet esprit et l'homme. Cet esprit se sert toujours de l'homme. Et cet esprit, pour pouvoir se servir de l'homme, présente à l'homme des aspects qui conviennent à son émotion et à son intelligence, à son intellect. Et comme l'homme n'est pas dans l'intelligence de l'esprit, il n'est pas capable de voir les subtilités de l'esprit de l'intelligence, il n'est pas capable de voir que tout ce qui se passe en lui au niveau de l'esprit de l'intelligence n'est qu'une couverture servant à l'amener au cours de son expérience à un état de mentation pure, à un état de mentation parfaite, à un état de mentation où il n'y a plus de division, où il n'y a plus de séparation entre l'intelligence et lui-même. Autrement dit, entre l'intelligence et son comportement humain. Et une des grandes spécialités, si vous voulez, du jeu de l'esprit de l'intelligence. Et quand je parle de l'esprit de l'intelligence, je parle de l'esprit de l'intelligence, qu'il soit astral, que ce soit des communications astrales vers l'homme ou que ce soit des communications spirituelles vers l'homme. Dans l'esprit de l'intelligence, ce qui est proposé à l'homme n'est jamais proposé pour le bénéfice de l'homme. Il est proposé pour le bénéfice de l'évolution de son ego, mais non pas pour le bénéfice de l'homme. Autrement dit, dans l'esprit de l'intelligence, l'homme se voit toujours rattaché à une souffrance quelconque. Et dans ces deux catégories d'intelligence, l'esprit d'intelligence qui est l'esprit inférieur de l'homme et l'intelligence de l'esprit qui est la conscience pure de l'homme, il y a un passage. Et j'ai reconnu qu'il y a des gens qui sont dans ce passage. J'ai reconnu qu'il y a des gens qui ne sont plus, qui sont encore dans l'esprit de l'intelligence, mais qui sont aussi dans l'intelligence de l'esprit. Autrement dit, il y a des gens qui sont capables de voir au lieu de regarder. Il y a des gens qui sont capables de savoir instantanément si ce qui se produit au niveau de l'intelligence, au niveau de la pensée créative en eux, convient avec leurs besoins, convient avec leurs désirs, convient avec ce qu'ils ont de besoin, de nécessaire sur le plan matériel. Et ces gens qui sont capables de voir la différence entre l'esprit de l'intelligence et l'intelligence en eux, peuvent très facilement et très clairement et très nettement dire qu'ils sont bien dans leur peau. Parce que pour qu'une personne soit bien dans sa peau, il ne s'agit aucunement que cette personne soit n'ait pas de tension ou qu'elle ait beaucoup d'argent en banque ou que les affaires aillent bien. Parce que les affaires peuvent aller bien une journée et ensuite elles vont mal et ensuite vous vous apercevez que vous n'êtes pas aussi bien dans votre peau que vous pensiez. Pour être bien dans sa peau, il faut être bien dans sa peau que ça aille mal ou que ça aille bien. Ça, c'est être bien dans sa peau. Et quand vous êtes comme ça, mais ça va toujours bien. Mais il y a des gens qui ont réussi à franchir l'étape, une étape subtile qui convient à l'homme qui progresse réellement vers la conscience pure, vers la fusion. Et ces gens sont reconnaissables dans leur attitude, dans leur comportement interne, dans leur comportement extérieur. Ils sont reconnaissables parce qu'ils ont une capacité qui n'est pas toujours raffinée, mais ils ont tout de même une capacité de fonctionner comme des blocs de ciment. Ils ont une capacité de fonctionner comme des êtres qui peuvent très facilement se donner une autodirection dans tous les domaines presque de la vie. Et ceci est effectivement un mouvement vers l'intelligence de l'esprit, c'est-à-dire vers cette intégration totale entre l'intelligence et l'homme. L'intelligence dans l'homme doit le servir. Elle doit le servir. Et si elle ne le sert pas, c'est que cet homme est dans l'esprit de l'intelligence, c'est-à-dire que il est, son intelligence, elle est colorée, façonnée par ses idées et par ses émotions, et automatiquement cet homme ne peut pas voir clair. Il ne peut que regarder le phénomène de la vie et en souffrir les conditions. Et l'humanité fonctionne ainsi. L'homme, en général, fonctionne ainsi. La descente de la conscience supramentale sur la Terre, le développement de la conscience ou de l'intelligence pure sur la Terre, est un processus très vaste, énorme, extrêmement profond, qui n'a aucune liaison possible avec l'esprit de l'intelligence. Quelle que soit la nature de votre conscience interne, quelle que soit la couleur des murs, quelle que soit votre spiritualité, quelles que soient vos bonnes intentions, quelle que soit votre bonne volonté, quel que soit tout ce matériel qui fait de l'homme un être assujetti aux conditions planétaires et incapable d'exercer à tout moment de sa vie sa volonté et son intelligence. L'esprit de l'intelligence, que je pourrais appeler le côté voilé de l'intelligence, dans plusieurs cas, apparaît chez l'homme comme étant de l'intelligence. Apparaît chez l'homme comme étant de la communication avec l'intelligence. Apparaît chez l'homme comme étant une réussite évolutive. Lorsqu'en fait, ce n'est qu'un palier plus ou moins vaste où l'homme se tient, se regarde, fonctionne, mais en vertu de quelle il ne peut tirer aucun bénéfice. Et je suis extrêmement sérieux quand je dis ceci. C'est pour ça que je peux même affirmer que, à l'intérieur d'un certain nombre d'années, les hommes qui vont vers la conscience supramentale, qui vont vers la conscience pure, verront petit à petit se détruire les illusions qu'ils considéraient auparavant réelles, importantes, ayant de la valeur, étant bonnes, ainsi de suite. Je pourrais réciter toute une litanie descriptive de ces illusions qui leur ont été fournies par l'esprit de l'intelligence, faisant partie de leur expérience pour les amener un jour ou l'autre à l'intelligence de l'esprit. Et je mets en garde tous les hommes contre l'esprit de l'intelligence. Quel que soit le niveau de voyance que vous puissiez avoir en relation avec l'esprit de l'intelligence, parce que l'esprit de l'intelligence peut très bien fonctionner sur le plan psychologique, mais elle peut très bien fonctionner, surtout dans le cas de l'homme qui se conscientise, sur le plan d'une communication qui devient automatiquement le plan d'une voyance. Et l'homme est très facilement fasciné, attaché, rattaché par la voyance, parce que la voyance comporte toujours l'élément en lui de l'invisible agissant en faveur de la matière. Et l'homme a un bout de chemin énorme à faire avant que l'esprit de l'intelligence lui soit bénéfique dans un sens parfait. Dans un sens total, l'homme a beaucoup à faire avant que la voyance en lui, c'est-à-dire la correspondance psychologique avec la correspondance vibratoire, ou la relation entre ce qui est reçu en communication avec lui-même, soit pour lui un bénéfice total. L'homme a un très grand chemin à faire. Il n'est pas aussi facile que l'on peut s'imaginer de disséquer la nature de l'esprit, de disséquer le rôle de l'esprit et de regarder d'une façon très précise la fonction de l'esprit dans l'homme. Pour pouvoir le faire, pour pouvoir réellement disséquer les fonctions de l'esprit de l'intelligence dans l'homme, il nous faut, en tant qu'homme, être totalement sorti de cet esprit de l'intelligence et fonctionner au niveau de l'intelligence de l'esprit. Et peu d'hommes, encore sur le plan matériel, ont cette capacité parce que les hommes, encore aujourd'hui et pour un certain temps, devront vivre de l'esprit de l'intelligence. Parce que pour vivre de l'intelligence de l'esprit, on ne peut plus s'attacher à la forme. Le phénomène de l'intelligence de l'esprit, de l'esprit de l'intelligence est un phénomène occulte. Ce n'est pas un phénomène psychologique. C'est effectivement un phénomène occulte, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est caché à la vue de l'homme, qui est caché à la vision de l'homme et qui est caché à l'intelligence de l'homme parce que justement, dans l'esprit de l'intelligence, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a qu'un reflet de son intention. Ça, c'est un point de référence que je vous donne. Autrement dit, dans tout le matériel que vous pouvez recevoir dans votre esprit pendant des années de temps, tant que vous ne serez pas dans l'intelligence de l'esprit, vous ne recevrez que l'intention de l'intelligence. Et l'intention de l'intelligence, souvent, peut être tellement précise en apparence que vous prenez l'esprit de l'intelligence comme de l'intelligence. Et c'est là que vous faites une erreur nécessaire, et c'est cette erreur nécessaire qui amène en vous des changements de vibration. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, bon, mais là, je suis fusionné. Ou quand est-ce que je vais fusionner? Quelle date? Ou ils m'ont dit que j'étais fusionné. Ça fait partie de l'esprit de l'intelligence. Pardon? Laissez-moi parler. L'esprit de l'intelligence et l'intelligence, entre les deux, le fil est mince. Il est très mince. Il est tellement mince que vous ne pouvez pas le voir. Et c'est pour ça que l'homme doit passer un certain nombre d'années dans l'expérience de plus en plus poignante, dans l'expérience de plus en plus révoltante de l'esprit de l'intelligence pour en arriver éventuellement au fil des années à voir, c'est-à-dire à être capable de savoir que ce qu'il sait est parfait et aucunement affecté par l'esprit de son intelligence, c'est-à-dire par le mode de pulsation de ses émotions ou de son intellect. L'homme sur le plan matériel, terrestre, n'a aucune sécurité. Il n'a aucune sécurité intérieure parce qu'il n'a aucune capacité intérieure de voir, c'est-à-dire de savoir parfaitement que ce qu'il est, que ce qu'il ressent dans son intérieur coïncide avec le réel. L'homme n'est pas capable de voir la différence entre la vertu de l'esprit de l'intelligence, la vertu, c'est-à-dire la fonction, et l'aspect absolu de l'intelligence de l'esprit. Il n'y a pas de fonction dans l'intelligence de l'esprit. Il n'y a fonction que dans l'esprit de l'intelligence. Dans l'intelligence de l'esprit, il n'y a pas de différence entre ce que l'homme veut et ce que l'homme doit faire. Et c'est ce qu'il veut faire qui prédomine, qui vient avant ce qu'il doit faire. Mais dans l'esprit de l'intelligence, il y a des prédispositions convenant à l'émotivité de l'homme, l'émotivité spirituelle de l'homme, qui le prédispose à faire des choses, mais des choses qui, au lieu de lui apporter un bénéfice total, individuel, lui apporte souvent un bénéfice imparfait et un bénéfice qui lui attache la corde au cou et qui le lie, pour un nombre multiple de raisons, à des activités sociales, ésotériques, messianiques, évangéliques. Autant l'esprit de l'intelligence a naturellement tendance à convoquer ou à invoquer dans l'homme des aspects positifs de son comportement social, de son comportement philosophique, psychologique, autant l'intelligence de l'esprit fonctionne d'une façon totalement opposée. Autant dans l'esprit de l'intelligence, on veut sauver l'humanité, on veut être fusionné, on veut toutes ces choses qui proviennent de la fonction de l'esprit de l'intelligence. Autant dans l'intelligence de l'esprit, on veut la crise de paix, puis rien d'autre que ça. Quand je vois des gens qui me viennent et qui me disent, ça va bien, ça marche, mes affaires, je suis content, patati patata, En tout cas, les gens ont une façon très spirituelle de dire que ça va bien dans la vie. On sent, eux, les cloches de Pâques. J'insiste, et j'insisterai toujours pour que l'homme sache que ce n'est que dans l'intelligence de l'esprit que l'homme pourra reconnaître les cloches de Pâques. Et il aura tellement pâti pour pouvoir enfin les entendre, ces cloches, qu'il en maudira le son. La descente de la conscience supramentale, pardon, sur la Terre est un phénomène cosmique. Ce n'est pas un phénomène personnel. C'est un phénomène cosmique qui englobe toute la planète, qui englobe un nombre quelconque d'hommes et qui ne convient aucunement à l'esprit de l'intelligence. Aucunement. Et c'est justement la destruction dans l'homme de l'esprit de l'intelligence qui permet la descente de la conscience supramentale sur la Terre. Et effectivement, il y a des gens qui sont dans l'esprit de leur intelligence et qui, à cause du fait, pour des raisons encore karmiques, à cause du fait que l'esprit de leur intelligence n'est pas troublé, n'est pas assujetti à l'intelligence de l'esprit, ils s'imaginent que tout va bien, que tout est rose et que tout va demeurer rose. Et il n'en est pas ainsi. Je puis assurer à l'homme qu'au fur et à mesure que l'intelligence de l'esprit descend en lui et s'ouvre en lui, elle doit automatiquement déformer, transmuter l'esprit de l'intelligence. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas d'autre possibilité, parce que ça fait partie des lois vibratoires de l'intelligence, c'est-à-dire de la lumière. Je ne dis pas ceci pour décourager les gens qui sont dans l'esprit de l'intelligence et qui sont bien et qui font des belles petites vies. C'est pas ça que je veux dire. Si les gens sont dans l'intelligence, il ne s'agit pas pour l'homme de se créer de la peine ou de se créer de la souffrance. Mais je dois expliquer, toujours pour l'avenir de l'homme, que lorsque viendra en lui l'intelligence de l'esprit, il y aura automatiquement un combat entre lui et l'esprit de l'intelligence, parce que c'est l'homme qui doit détruire et annihiler et cesser et arrêter son initiation solaire. C'est l'homme. C'est l'homme lui-même qui mettra fin à son initiation. Ce n'est pas l'esprit de l'intelligence en lui. Et pour que l'homme mette fin à son initiation, pour que l'homme mette fin à sa souffrance, il faut qu'il ait accès à l'intelligence de l'esprit à un niveau quelconque qui convient à sa vibration. Il n'a pas de choix. Il ne peut pas passer par l'esprit de l'intelligence pour terminer son initiation. Au contraire. Il y a un moment dans la vie de l'homme, il y a un moment dans la souffrance de l'homme où l'intelligence de l'esprit passe et jette un petit reflet sur l'esprit de l'intelligence et elle se retire. Et l'homme a l'impression d'avoir vu, d'avoir senti quelque chose qui est totalement opposé à la condition qui lui est imposée par l'esprit de l'intelligence. Et l'homme, à ce moment-là, s'il a la chance d'être suffisamment près en vibration de cette intelligence, il doit la saisir sur le champ et tout de suite agir dans sa direction. Et tous les hommes ont, de temps à autre, l'intelligence de l'esprit. Ils ne l'ont pas d'une façon permanente, ils ne sont pas d'une façon permanente dans cette intelligence qui voit les agissements de l'esprit de l'intelligence. Mais de temps à autre, ils ont ce flash. Mais lorsqu'ils ont ce flash, aussitôt, l'esprit de l'intelligence recouvre le flash et il ne le voit plus. Ça prend énormément de caractère. C'est pour ça qu'on parle souvent de la souffrance. La souffrance crée du caractère dans l'homme. Et si l'homme souffre consciemment, c'est-à-dire que s'il souffre parce que l'esprit de l'intelligence crée de la souffrance, et qu'à certains moments, il peut sentir, voir cet éclair qui vient de l'intelligence de l'esprit et qui défie les lois de l'esprit de l'intelligence, à ce moment-là, l'homme commence à être autonome. L'homme commence à être. L'homme commence à se reconnaître en lui-même, pour lui-même et en vertu de lui-même. Il y a deux façons de vivre dans la vie. Une des façons les plus optimales et optimistes, c'est de vivre une vie où il n'y a pas trop de problèmes. Le côté matériel de la vie. Et il y a l'autre aspect de vivre dans la vie, qui est l'aspect interne, intérieur de la vie, que peu de gens sur la Terre connaissent, et qui coïncide avec l'évolution de l'homme, mais qui, malheureusement, à cause des temps qui ne sont pas suffisamment avancés, coïncident aussi avec l'esprit de l'intelligence, avec ses aspects trop souvent fructueux, qui sont une manifestation de la manipulation de l'esprit de l'homme pour le bénéfice de son expérience. Mais en fait, qui n'est que l'expérience de son âme, de sa mémoire. L'homme a tendance naturelle à croire ce qui se passe en lui. C'est une tendance naturelle de croire ce qui se passe en soi-même. Comme si nous avions besoin de penser pour faire quelque chose. Et nous sommes tellement assujettis, sans nous en rendre compte, surtout lorsque le modèle qui nous est présenté semble intelligent, semble avoir du bon sens. Nous sommes tellement assujettis à l'esprit de l'intelligence qui est une réplique vibratoire de notre état émotionnel et de notre état mental que nous ne pouvons pas voir que ce que nous vivons est simplement une forme inférieure de soi-même, de nous-mêmes, qui convient à un aspect ou à des aspects inférieurs de nous-mêmes et qui est totalement en dehors du champ de la perfection. qui est totalement en dehors du champ du réel et qui ne peut que nous créer de la souffrance. Les gens souffrent parce qu'ils sont dans l'esprit de l'intelligence. C'est pour ça que les gens souffrent. Si les gens étaient dans l'intelligence de l'esprit, ils ne souffriraient pas de la même façon. Ils seraient capables d'éliminer ce qui est une souffrance. Au lieu de souffrir constamment de la même sorte d'énergie qui convient constamment au même jeu de l'esprit de leur intelligence, qui est la manifestation émotive et mentale de leur intellect. Nous avons tendance à prendre pour du cash ce qui se passe dans notre tête. Si ce qui se passe dans notre tête semble négatif, effectivement, il est facile pour nous de le rejeter. Mais si ce qui se passe dans notre tête semble positif, semble être bon pour l'humanité, semble être bon pour papa, nous le prenons pour du cash, pour du comptant. Pourquoi? Parce que...